Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mission Impossible. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Mission Impossible, c'est une émission de vulgarisation scientifique présentée par des élèves de l'ENSIC à Nancy. L'ENSIC, c'est une école d'ingénieurs en génie des procédés située entre le Faubourg des Trois Maisons et le Parc de la Pépinière. J'imagine que pour bon nombre d'entre vous, le génie des procédés, c'est une notion inconnue, mais pour vous expliquer rapidement, il s'agit de l'apprentissage des méthodes permettant d'appliquer à des grandes échelles dans l'industrie chimique des phénomènes observables à l'échelle d'un laboratoire. L'ENSIC est porté vers de nombreux secteurs d'activité, tels que les biotechnologies, les énergies ou encore l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, nous serons donc avec David, qui nous parlera de pyrotechnie et des feux d'artifice. Bonjour à tous. Avec Laurie, qui nous expliquera le fonctionnement du goût. Bonjour à tous. Et tout de suite, Léa va nous parler du pétrole. Bonjour à tous. Donc tout le monde utilise du pétrole au quotidien pour divers objectifs sans s'en rendre réellement compte, comme le carburant dans de nombreux moyens de transport, avec l'essence ou même le diesel. Figurez-vous qu'en réalité, le pétrole est encore plus présent dans notre quotidien que ce que l'on croit. Donc sauriez-vous me donner des produits que vous utilisez tous les jours qui sont fabriqués à partir du pétrole ? Moi, je sais qu'il y a de nombreux plastiques qui sont faits à partir de pétrole et aussi les matériaux qui sont utilisés pour les pantalons ou les jeans. Ouais. Ouais, j'aurais dit certains vêtements aussi et ouais, toutes les bouteilles en plastique pour l'eau et tout ça. Ouais, puis il y a l'essence, je crois, non ? Oui, oui, tout à fait. Donc, on a déjà des bonnes réponses. Donc, je pense qu'on peut écouter les avis des Nancéens. Donc, nous sommes allés leur demander leurs avis. On va tout de suite écouter. Je pense mon téléphone portable, ma tablette, mon stylo, mes produits de salle de bain peut-être. Ouais, et est-ce que vous avez une idée d'un produit que vous mettez quand même tous les jours pour hydrater votre peau, la crème? Oui, j'ai beaucoup de crème hydratante, oui. Et bien ouais, mais dans la crème, il y a du parabène. Et le parabène, ben, du coup, c'est un produit qui est fabriqué à partir du pétrole. D'accord, je ne savais pas. L'essence de la voiture, les cosmétiques, enfin certains cosmétiques. Le plastique, enfin les objets où il y a du plastique, comme les stylos par exemple. Au début, j'ai surtout pensé à l'essence et au chewing-gum, mais après, je me suis rendu compte qu'il y en a un peu partout dans tout ce qu'on utilise au quotidien, comme les vêtements et bah, un peu d'autres choses aussi. Voilà. Figurez-vous, comme certains l'ont dit, que chaque logement est rempli de produits dérivés du pétrole qu'on ne soupçonnerait même pas. Donc la pétrochimie, c'est-à-dire la science qui rend possible la fabrication des composés créés par l'homme à partir du pétrole, a permis aux industriels d'intégrer le pétrole dans presque tous les produits de la vie quotidienne. Donc le plastique est certainement le dérivé du pétrole le plus connu. Ainsi, il est présent dans les emballages des différents produits présents dans la salle du bain jusqu'au frigo, à la composition de l'intérieur des véhicules, en passant par les jouets des enfants. Donc connu sous le nom d'or noir, le pétrole il nous permet aussi de nous habiller. Et oui, mesdames, la plupart des collants, ils sont faits à partir du nylon produit grâce au pétrole. Mais ce qui est le plus marrant et bizarre quand même, c'est qu'on le retrouve même dans nos produits hygiéniques ou de pharmacie. Par exemple, les crèmes avec l'agent de conservation, le parabène, les antiseptiques ou même les pansements. On retiendra donc que le pétrole, ben, il est présent partout, même dans les crèmes qu'on étale sur nos visages. Mais en réalité, ce n'est pas directement le pétrole qu'on utilise pour fabriquer tous ces produits, mais des ingrédients extraits du pétrole. Et pour les obtenir, il faut le raffiner. Avez-vous déjà entendu parler du raffinage du pétrole ? Forcément, on en a un petit peu entendu parler avec nos études, mais on ne sait pas forcément, enfin moi personnellement, je ne sais pas forcément ce que c'est exactement, comment ça se fait en fait. Oui, moi non plus, je suis pareil. Mais parfait, j'allais vous demander en plus si vous saviez ce que c'était. Et toi Thomas ? Oh, pas spécialement de plus que les autres. Donc je pense que cette notion, elle est quand même assez vague. Je suis allée chercher sur Wikipédia la vraie définition. Donc le raffinage du pétrole, il désigne l'ensemble des traitements et transformations visant à tirer du pétrole le maximum de produits à haute valeur commerciale. Donc en gros, on traite notre baril de pétrole afin d'extraire le maximum de composants qui nous intéressent. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous en connaissez certains ou pas ? J'aurais dit le gasoil. Ouais. Oui, il y a le kérosène aussi, je crois. Puis pour se chauffer chez nous, on prend du fioul. Ouais, mais on retrouve, comme vous avez dit, le gasoil, l'essence 95-98 pour les voitures. Et on retrouve aussi du naphtha ou même les bitumes, les composants non énergétiques qui sont utilisés dans la pétrochimie. Donc pour séparer ces composants, on met une colonne à distiller pour faire simple. C'est à peu près le même fonctionnement que que l'alambic. Donc, s'il y a certains Vosgiens qui nous écoutent, l'alambic, c'est pour séparer l'eau et l'alcool. Mais dans notre cas, en fait, on ne va pas séparer de l'eau et l'alcool, vous en doutez bien. On va séparer les composants du pétrole. Donc, dans cette colonne, on fait chauffer le pétrole jusqu'à l'ébullition. C'est au moment où apparaît la vapeur quand on fait bouillir l'eau de nos pâtes. Et les premières vapeurs sont décomposées de produits qui s'évaporent le plus vite. Et l'essence, puis les vapeurs suivantes, vont contenir des produits moins volatiles, donc qui s'évaporent moins vite, comme le naphtha, et ainsi de suite. Et du coup, pour en revenir avec notre crème, on va traiter de nouveau le naphtha, donc évoqué auparavant, par différentes techniques qui permettent d'obtenir des composés plus légers et plus intéressants dans l'industrie. Donc dans notre cas, on va permettre la création du parabène, et grâce à ces procédés, les industries peuvent créer des techniques nous permettant à la fin d'obtenir du plastique, des médicaments ou même des vêtements. Comme quoi, le pétrole, il est vraiment présent partout. Mais j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il restera du pétrole dans 20-30 ans ? Je t'en prie, David, vas-y. Enfin, moi, je pense qu'il en restera encore un peu. Je sais que c'est pas une... Je sais qu'on peut arriver à une pénurie un jour, mais je pense que dans 20-30 ans, il y en aura encore. Moi, je suis plutôt d'accord avec David, dans le sens où on ne sait pas vraiment concrètement les stocks qu'on a, comment on les épuise au cours du temps. Donc, j'espère qu'il en restera, mais on ne sait pas, en fait. Oui, puis je les rejoins aussi. Je pense que dans 20-30 ans, il en restera encore au moins un peu. Et bien, moi, je vous propose d'écouter les réponses des Nancéens. Personnellement, je ne pense pas. Peut-être pas dans 20 ans, ça sera pénurie totale, mais je pense qu'au bout d'un moment, on va rentrer en pénurie si on n'utilise pas les autres énergies qu'on a à côté. Je pense que oui. Après, qu'il y aura quand même des améliorations pour certains produits qui les utilisent. Enfin, l'essence, par exemple, je pense que ça sera toujours. Après, peut-être que les produits avec du plastique, ils trouveront une autre manière. J'aimerais ne pas le penser, mais j'ai l'impression qu'avec tous les conglomérats du pétrole qui étaient présents à la COP26, je pense que le pétrole sera encore présent dans 20-30 ans. S'il en reste, s'il évidemment. En reste, oui. Donc, comme vous voyez, les réponses, elles sont quand même assez diverses. Donc, pour répondre à cette question, je vous propose qu'on se retrouve lors d'une prochaine émission dont on traitera ce sujet. Merci beaucoup Léa pour cette chronique très intéressante sur le pétrole et on espère que la prochaine fois nous saurons davantage quand est-ce que cette pénurie arrivera peut-être. On va se retrouver juste après une petite musique pour pouvoir voir la suite de nos chroniques, notamment sur les feux d'artifice de David et le goût de Laurie. Et tout de suite, nous allons écouter Allumer le feu de Johnny Hallyday. un geste, il suffira d'une étincelle, oui d'un mot d'amour, pour allumer. Et vous êtes de retour sur Radio Fadjet 94.2 après cette grande musique de Johnny Hallyday. Si vous arrivez en cours de route, Léa vient de nous parler du pétrole et tout de suite Laurie va nous parler du goût. Alors oui, donc moi je vais vous raconter un peu ma vie en fait. Ce week-end, je suis allée chez ma grand-mère et elle avait acheté un jambon de pays de chez nous et je l'ai trouvé vraiment très salé quand je l'ai mangé. Vraiment, j'avais l'impression qu'on me versait littéralement la salière dans la bouche. Mais ma grand-mère, elle trouvait que c'était à peine salé. Et du coup, je me suis dit que c'était bizarre justement que toutes les deux, on ne ressente pas le goût de la même façon. Et du coup, j'ai fait quelques recherches sur le sujet et j'ai découvert qu'en fait, le goût, il s'efface avec l'âge. Alors déjà, on va essayer de définir ensemble ce que c'est justement le goût. En gros, à quoi ça correspond et surtout, comment ça fonctionne dans l'organisme. Donc je vais m'adresser à vous les chroniqueurs, est-ce que vous auriez une définition du goût à me donner, tout simplement? Vas-y David. Moi je pense que c'est un sens qui est ressenti dans la bouche. Moi j'aurais dit avec la bouche et la langue, ouais. Ouais. Moi j'aurais dit que c'était un peu comme l'odorat, mais pas avec le nez, avec la bouche. Mais en fait, vous avez un peu tous les trois raisons, donc je vais un peu clarifier vos idées. Et en fait, le goût, au sens strict du terme, c'est un sens qui va permettre de sentir la saveur au niveau de la langue. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, en fait, la saveur, en fait, c'est une combinaison de plusieurs sens qui sont l'odorat, le goût et le toucher. Et c'est justement l'interaction de ces trois sens qui vont vous faire soit aimer, soit détester un aliment que vous mangez. Mais du coup, qu'est-ce qu'on sent sur notre langue quand on mange un bonbon ? Et déjà, ce qui permet de sentir le goût, c'est la langue, comme a dit Thomas. C'est avant tout un muscle qui sont comme dans vos cuisses ou dans vos bras. Et ce muscle, il est couvert de ce qu'on appelle les papilles gustatives qui vont nous faire percevoir les saveurs. Et donc la langue, elle est capable de différencier 5 saveurs fondamentales. Est-ce que vous auriez une idée justement de ce que peuvent être ces 5 saveurs ? J'aurais dit le sucré. Le salé. L'amer. Puis l'acide. Oui, vous n'êtes pas très loin. En fait, les 5 saveurs, c'est justement ce que vous avez dit, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Et le dernier, c'est l'umami. Alors vous allez me dire, mais de quoi me parle celle-là, avec son charabia, de umimi, là ? Eh bien en fait, l'umami, c'est une nouvelle saveur qui a été découverte très récemment. Et elle est déclenchée par la présence de glutamate. Mais ne vous inquiétez pas, le glutamate, c'est juste un constituant qu'on trouve surtout dans les aliments qui sont riches en protéines, comme la viande par exemple. Et donc on dit souvent que c'est l'umami qui va donner aux aliments un goût de viande. C'est sympa, hein ? Comme ça, si vous voulez réduire votre consommation de viande, mais tout en profitant de la saveur, hop, un petit goût de glutamate. Et contrairement à ce que vous pensez, le piquant, ça ne fait pas partie du goût. Et oui, la sensation de piquant, elle est surtout transmise par un nerf qui se situe dans la bouche et la gorge. Et c'est ces transmissions qui sont responsables de la sensation désagréable, voire douloureuse, des plats qui sont poivrés, pimentés ou encore avec du curry, par exemple. Vous voyez, c'est quand vous avez la gorge qui brûle et la sensation de feu dans votre bouche. Et ça, c'est pas du goût. Alors vous devez aussi connaître d'autres goûts, mais qui sont aucune des 5 saveurs de base. Et en fait, c'est parce que c'est la combinaison de ces 5 saveurs. Par exemple, si vous buvez un jus de citron mélangé à du sucre, et ben ça produit le goût aigre-doux. Donc, une fois que l'aliment est dans notre bouche, comment ça fonctionne concrètement ? Et ben, comme je l'ai dit avant, la langue elle a de nombreuses papilles gustatives qui vont servir de récepteurs du goût. Pour vous faire une ordre d'idée, un adulte possède entre 2000 et 4000 papilles. Donc, dans ces papilles, en fait, on trouve les organes du goût, qui sont les bourgeons gustatifs. Rien à voir avec quelque chose de floral. Et ces bourgeons, ben, ce sont les petites bosses que vous voyez sur votre langue ou que vous pouvez sentir si vous passez votre doigt sur votre langue. Et pour vous expliquer comment fonctionne le goût sur la langue, je vais prendre un exemple concret. Si vous mangez une soupe qui est salée ou un dessert sucré, et ben, sur votre langue, les cellules du sens, qui sont les bourgeons gustatifs, elles vont s'activer sous l'effet de l'aliment que vous mangez. Ensuite, elles transmettent l'information jusqu'à votre cerveau, qui va être informé du caractère salé ou du caractère sucré de la nourriture. Et donc, grâce à ces magnifiques explications, on peut donc savoir pourquoi on ressent moins le goût avec l'âge. Est-ce que vous auriez une idée, les chroniqueurs, pour voir si vous suivez bien ce que je vous raconte ? Moi, j'aurais dit que quand on a l'âge, enfin, tes cellules qui sont présentes dans ta bouche, elles ont comme une mémoire, enfin, gardent en mémoire. Je sais pas si c'est très... si vous comprenez ce que je veux dire. Justement, Léa, t'es pas très éloignée de la vérité. En fait, ces cellules du sens, donc ces bourgeons gustatifs, elles ont une durée de vie de seulement 10 jours. Et en fait, chez un jeune adulte, elles se renouvellent constamment et sont remplacées par de nouvelles cellules qui sont fonctionnelles. Mais en fait, au fil du temps, ces cellules, elles se renouvellent de plus en plus lentement. Et c'est pour ça qu'en vieillissant, on perd de plus en plus le goût. Mais ne vous inquiétez pas, même avec l'âge, vous pouvez quand même profiter de plats excellents. Je vous conseille d'assaisonner vos plats avec beaucoup d'herbes fraîches. Comme ça, vous pourrez profiter grâce à vos autres sens, notamment l'odorat. Bien sûr, même jeune, un bon assaisonnement augmente les saveurs. Hein. Donc, un bon appétit à tous. Eh bien, merci Laurie pour cette excellente chronique. Au moins maintenant, on pourra manger et connaître ce qu'on ressent en toute connaissance de cause. Et maintenant, nous allons parler avec David des feux d'artifice. Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Bref, j'étais aux Champs-Élysées et là, j'ai vu un feu d'artifice. Et je me suis dit, mais comment ça marche ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors déjà, la fabrication des feux d'artifice relève de ce qu'on appelle la pyrotechnie, c'est-à-dire la science de la combustion et donc entre autres des explosions générées à partir des combustions. Ça fait beaucoup de termes techniques, donc on va expliquer tout ça. Tout d'abord, on voit tous ce qu'est une explosion, mais comment ça se passe ? Une explosion, on en a tous vu et c'est facile à comprendre, par exemple quand on gonfle un ballon pour un anniversaire, mais qu'on le gonfle trop, il peut nous exploser à la figure. En fait, on met tellement d'air à l'intérieur qu'il n'a plus de place et au bout d'un moment, bah, il est obligé de sortir. Il est donc brusquement expulsé, et donc bah ça explose. C'est la même chose pour les explosifs, parce qu'en fait on a quelque chose qui brûle, comme de la poudre, ça libère du gaz très chaud, qui va manquer de place, et donc bah finalement... Oui bon ça va David avec tes chansons là, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce que c'est en fait ? Et oui Jamy, la combustion c'est simplement une réaction entre ce qu'on appelle un combustible et un comburant. Alors en fait pour que quelque chose brûle complètement, il nous faut ces deux ingrédients. Un combustible c'est quelque chose qui peut brûler comme le bois, et un comburant, c'est quelque chose qui aide le combustible à brûler à haute température. Un comburant naturel qu'on peut trouver, c'est le dioxygène dans l'air qu'on respire. Les pompiers vous le diront très bien, mais si votre poêle prend feu et que vous mettez par-dessus un torchon, le feu s'éteindra. Et c'est tout simplement parce que l'air, il ne peut plus apporter le dioxygène nécessaire à la combustion. Donc revenons maintenant au feu d'artifice. On va donc utiliser une poudre de même type que la poudre à canon, qui va nous servir pour la propulsion dans l'air et pour l'explosion. Pour fabriquer cette poudre, industriellement parlant, on va juste mélanger deux composés, les broyer, les humidifier et les presser en galette. Aujourd'hui, on étudiera un seul type de projectile qui utilise cette poudre et qui s'appelle une bombe, utilisée notamment pour les feux en forme de pivoine. Une bombe pour les feux d'artifice, c'est en gros une sphère. Sous cette sphère, on a de la poudre, qui est appelée chasse, d'où part une longue mèche. Cette chasse, elle va être reliée à une charge disposée au centre de la sphère, appelée la charge d'éclatement, par un petit conduit rempli de poudre appelé l'espolette. Et laisse Paulette tranquille. La première étape, c'est donc la propulsion de la bombe dans l'air. Pour ça, on va mettre la bombe dans ce qu'on appelle un mortier, ce qui est juste un tube cylindrique. En l'insérant, on va boucher le mortier, et lorsqu'on va allumer la mèche qui est reliée à la chasse, eh ben, la poudre sous la sphère elle va chauffer, dégager le gaz qui sera piégé, et donc on aura notre explosion, qui va expulser la bombe. La deuxième étape, c'est l'explosion de la bombe. Après l'expulsion, laisse Paulette elle aura pris feu, elle va se consumer pendant l'ascension de la sphère. Une fois consumée, c'est la charge d'éclatement qui rentre en jeu, pour faire exploser la sphère. Si on place maintenant des billes de matière pyrotechnique, c'est-à-dire d'une matière destinée à produire un effet lumineux, autour de cette charge d'éclatement, alors l'explosion, elle va les disperser à la même vitesse, et on conservera la forme que l'on a mise à l'intérieur du projectile. C'est notamment comme ça qu'on obtient des formes géométriques lors des feux d'artifice, comme des cercles ou des cœurs. Maintenant, la dernière question qu'on peut se poser, c'est celle de la couleur. Ben en fait, la couleur, elle dépend juste des matériaux utilisés pour les matières pyrotechniques. En fait, quand elles vont chauffer, les billes vont libérer de la lumière, ce qui sera notamment leur critère de sélection. Mais chaque matière produira une couleur différente. Par exemple, si on prend du cuivre, on obtiendra une petite lumière bleue. Du coup, si on veut que la bombe contienne plusieurs couleurs au final, on a juste à empiler des couches différentes pour avoir notre évolution lumineuse. Eh ben, merci David pour cette explication technique et pyrotechnique qui fut très intéressante. Et maintenant, nous allons passer à la musique Firework de Katy Perry avant de nous retrouver juste après ça. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you're worth, make 'em go as you shoot across the sky. Fadjet. Et vous êtes de retour sur Fadjet 94.2 après avoir écouté Katy Perry. Si vous arrivez à ce moment-là, juste avant de nous en parler, du goût avec Laurie et des feux d'artifice avec David. Mais juste avant de reprendre, nous allons faire ensemble un petit jeu. David, apparemment tu avais des questions pour nous. Oui, j'en ai même plusieurs, mais je vais en commencer par la première qui se rapproche sur mon thème, les feux d'artifice. Alors, j'ai trois propositions, vous allez me dire laquelle est vraie. Premièrement, la commune de Viria dans l'Ain est la commune la plus productrice d'explosifs en France. La commune de Viria, dans l'Ain, a le record du feu dû au feu d'artifice. A le record de feu dû au feu d'artifice, pardon. Ou alors, la commune de Viria, dans l'Ain, ne célèbre pas le 14 juillet. Le 14 juillet. Ah, c'est compliqué comme question, parce qu'on n'a vraiment aucune façon de savoir ce qui pourrait être juste ou faux. Bah, déjà, en fait, je ne vois pas pourquoi en France, on ne célébrerait pas le 14 juillet. Ouais, voilà. Déjà, je trouve ça très bizarre, alors que dans ma petite ville, on le fête. C'est le record du plus de feux d'artifice, c'est ça? Non, de feux déclenchés dû au feu d'artifice. Après, ça c'est possible, hein, rappelez-vous. Genre un accident. Ouais, hein. Genre un accident. Oui, c'est vrai. Un accident, ça peut être vite arrivé. Hein. Moi, je pencherais plus pour cette option. Et l'autre, c'était quoi? C'est la commune la plus productrice d'explosifs en France. Après, celle-là, c'est possible. Bah après, pas c'est, trop c'est possible aussi, vu que tu nous as parlé des feux d'artifice. Mais je penserais quand même pour la B. Ouais, je suivrai Léa sur ça. Et moi, j'avais dit que je partirais sur la B, mais je passe à contre-courant et je partirais sur la A. Eh bien, vous avez tous faux. C'était la C. La commune de Viria dans l'Ain ne célèbre pas le 14 juillet. Alors, ça mérite une petite explication, parce que je vous ai un peu piégé quand même. En fait, il y a un arrêté qui a été déposé en 1880 pour leur dire de ne pas fêter le 14 juillet parce qu'il y a les moissons à ce moment-là. Donc, ils sont exemptés, mais ils le fêtent en août, en fait. D'accord. Mais la loi n'a jamais été modifiée depuis. Non, elle n'est pas modifiée. Okay. Les pauvres. C'est très, très du coup, très. Ils fêtent le 14 juillet en août. Bah oui, au 15 août. Non, au début août. Ah pourquoi d'accord, pas, ah, oui, bon. Deux feux d'artifice en même temps. Ensuite, alors, c'était à Laurie. Oui, moi aussi j'ai une question. Ben, je vais partir sur ma chronique, donc le goût. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez ce que c'est le slurping? Alors, est-ce que c'est le fait de lécher quelque chose, le fait de mastiquer de la nourriture puis de la recracher, ou le fait de manger bruyamment? Il y a slurp, ça fait le même bruit que genre quand tu lèches quelque chose, mais c'est ce qui est marqué dans les BD. Ouais, dans les BD, ouais. Moi, je serais parti là-dessus. Mais après, les autres, c'est bizarre quand même. Moi, je suis d'accord avec Thomas. Non, moi, ça me plaît pas. Je t'en prie, donne ton avis. C'est quoi, t'as dit mastiquer, recracher? Mastiquer et recracher, ou alors le fait de manger bruyamment? Moi, j'aurais dit mastiquer et recracher. J'hésite entre les deux dernières, mais... Ouais, finalement, je vais dire manger bruyamment. Ah, mais du coup, il y a une réponse de chaque. Je suis pas constant, du coup. Alors du coup, il y en a forcément un qui a raison, donc c'est Thomas, c'est le fait de manger bruyamment. J'ai bien fait de changer. En fait, je vais vous expliquer, en fait, le slurping, en anglais, ça veut dire, c'est justement le bruit que ça fait en mangeant des nouilles, vous savez, le comme ça, quand vous mangez des nouilles. Et en imitation. Fait, tous les occidentaux, donc nous, on pense que c'est très mal poli, justement, et désagréable de faire du bruit en mangeant. Et en fait, il y a des études qui ont été faites en 2017, il y a une étude franco-britannique qui a été faite et qui dit que le fait de faire ça, ça améliore le plaisir de l'expérience, donc ça améliore le goût qu'on ressent quand on mange les aliments, en fait. D'accord. D'accord. Moi, personnellement, je trouve pas que mes nouilles, elles sont meilleures si je fais plus de bruit qu'autre chose. Hein. Écoute, c'est... L'étude a été faite, c'est que il y a une vrai. Étude, pourquoi pas. Et on va finir par une dernière question de Léa. Moi, tout bêtement, j'aimerais savoir si vous étiez au courant des techniques pour enlever le pétrole présent dans les mers durant une marée noire. Ouh là là. Je suppose que tu as des propositions. Je pense qu'une passoire, c'est pas utile. Non. Non, en fait, c'est tout bête. C'est que, en fait, moi, j'ai eu la chance de faire des recherches par rapport à mon TIPE. Mais alors, sinon, je serais comme vous. Je pense que je n'aurais aucune idée. T'as pas de propositions à nous faire? Mais tout bêtement, quand vous voyez une marée noire, vous... Enfin, je vais vous aider aussi. Il y en a des fois qui préfèrent ne rien faire. Et laisser attendre que ça arrive et sur le rivage. Et laisser attendre que ça arrive sur le rivage et tout le reste. Parce qu'en fait, il y a plein de populations qui ne veulent pas qu'on mette d'absorbants. Parce que c'est rajouter des produits chimiques dans la mer et c'est très mal vu. Donc, soit on met des absorbants, soit on met comme un écumoir flottant. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo dans vos livres de géographie. Où vous avez le bateau et il y a comme des bouées. Ouais, comme un gros filet de pêche derrière. C'est ça. Et en fait, après, il va avoir une pompe pour ramasser à peu près du pétrole. Ou soit, vous faites rien. Ou certains, ils brûlent. Mais ça aussi, c'est très mal vu par rapport aux populations. Donc voilà. Donc les absorbants, malheureusement, c'est pas très bien perçu. D'accord. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés sur cette radio. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Également en podcast sur Radio Fadjet. Et nous vous disons tous à dans 2 semaines. Salut! Salut! Salut! Salut!